Chapitre 9. Les jaguars. Cependant, Mademoiselle de Pelouer était impatiente d'aller à la chasse. Le lendemain, elle conféra avec Serpando, son guide, dont nous traduisons le nom indien en français. Le vieux guerrier avait 67 hivers, mais il était encore vigoureux. C'était un grand homme sec au tempérament de fer, intrépide et de grande réputation, car il avait pris 33 scalps en sa vie. Il fut convenu que l'on partirait le lendemain, car il y avait certains préparatifs à faire. Petite tente de peau d'agneau légère à emporter, fourrage de couchage, outils et vivres, tomahawk à aiguiser, etc., etc. Le lendemain, tout était prêt, et l'on se mit en route très gaiement. Une chasse dure plusieurs jours, mais dès la première heure, on fut favorisé, car on découvrit une harde de daims. Serpando fit mettre pied à terre à tout le monde. Deux de ses braves tinrent les chevaux. On gagna sans bruit le contrevent du troupeau qui paissait paisiblement. Pour ses surprises, les mocassins sont d'un grand secours. Pas le plus petit bruit. Le pied foule si mollement le sol que l'on n'entend rien. Pour faire leur coup, les malfaiteurs prennent des chaussons de lisière. Mais les mocassins seraient 100 fois préférables. Donc on marcha lentement. À 100 pas, le guerrier arrêta ses braves et les jeunes filles. « Joue feu !» 5 daims furent touchés, 2 mortellement. On reconnut les balles des jeunes filles, qui, entrées dans l'œil, avaient fracassé la cervelle. Les braves sautèrent à cheval, poursuivirent les blessés, les forcèrent facilement et les achevèrent à coups de lance. Ils les rapportèrent, on garda un daim. Pendant qu'on le dépouillait et que l'on en faisait cuire les morceaux, deux braves portaient au village les 4 autres daims. Beau commencement de chasse. Bon augure. En recevant pour sa part un daim, Fleur de Joint comprit le sourire qu'avait eu Mademoiselle de Pelouer lorsque elle, Fleur de Joint, avait regretté l'absence de Rayon d'Or au point de vue chasse. « Vraiment, dit-elle, cette fille vaut un garçon, et elle n'aurait pas besoin de se marier pour avoir du gibier frais au sec pendu aux perches de son wigwam. Elle en tirerait plus qu'un homme. Je souhaiterais à Rayon d'Or une pareille femme, mais elle n'est pas pour lui. « Il est pourtant beau, bon et brave, mon frère, » dit Personnage. « Et moi, je te dis qu'elle doit aimer un autre homme. » « Qu'en savez-vous ? » « Rien qu'à la façon dont elle regardait ton frère, bien en face, en ami. J'ai vu tout de suite qu'il ne devait plus y avoir de place dans son cœur pour mon garçon. » Les mères ont de ces pénétrations qui semblent extraordinaires, mais qui n'en sont pas moins infaillibles. Elles se basent sur de fines remarques qui échappent à d'autres yeux. Cependant, les deux cavaliers qui avaient porté les daims au camp en revenaient. Les grillades étaient à point, on leur fit fête. La viande de daim ressemble beaucoup à celle de notre bœuf, un peu moins grasse. Mais jusqu'à ce que la bête soit entrée dans sa 7e année, la chair est très tendre et a une légère saveur de gibier sauvage qui lui donne ce que les gourmets appellent le haut goût. Plus tard, cette viande durcit, mais celle d'un bœuf de 8 ans est dure aussi. La daine est un peu moins bonne, mais le morceau exquis, c'est le foie. Enveloppé d'abord dans la toilette de l'animal, c'est-à-dire dans le péritoine, puis entouré d'herbes aromatiques, cuit ensuite sous la cendre chaude, c'est un mets digne d'une table royale. Le filet et le faux filet se préparent de la même façon. Les Indiens connaissent beaucoup de feuilles d'arbustes, de fleurs, de baies, notamment le genièvre et le thym, qui donnent du parfum aux rôtis et aux ragoûts qu'ils font. À ce repas, on mangea le filet et le faux filet. On demi-fuma les côtelettes, on fuma le reste. Cette viande fumée aux herbes aromatiques se conserve bien. Elle surpasse les meilleurs jambons. On repartit après le repas.